Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute. Bonsoir. Voici les grands titres de cette édition. Tout de suite, les grandes lignes. Lancement ce lundi de la semaine dédiée à l'assurance. L'Agence de régulation et de contrôle des assurances et ARCA se réjouit de l'engouement grandissant pour faire assurer les biens. Grogne de certaines femmes de la zone urbaine de Wouterere et s'inquiète de la consommation par leur mari des boissons fortement alcoolisées vendues dans des bouteilles en plastique. Dans cette édition, le ministre de l'Agriculture nous parlera de certaines exigences pour avoir le code exportateur à des avocats. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Kougiman. Oh bonsoir. Les sociétés d'assurance augmentent leur chiffre d'affaires chaque année de près de 20%. Déclaration ce lundi du secrétaire général de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances ARCA lors du lancement de la semaine dédiée à l'assurance. Docteur Joseph Wutore a indiqué que ce résultat démontre que les gens commencent à comprendre l'importance de faire assurer leurs biens. Il a en outre annoncé qu'ils sont à l'œuvre pour corriger certaines irrégularités qui font état de lamentation des clients, on l'écoute. Nous sommes maintenant à un rythme annuel d'au moins 17% de croissance annuelle chaque année. Si le rapport de 2023 va sortir, je pense qu'on a même atteint 20%. Taux d'augmentation du chiffre annuel chaque année. Alors, les trois dernières années, je crois qu'on a agréé au moins 4 nouvelles sociétés d'assurance. Ça dit ce que ça dit. Il suffit de comparer les 4 et 5 années d'avant 2021 et après 2021. Vous allez voir la différence. Ensuite, j'aurais dit au début, l'élargissement du champ d'action où on propose des produits d'assurance. Depuis décembre 2022, nous avons embarqué les banquiers. Maintenant, il y a, je crois, 6 ou 7 banques avec une microfinance. Tout ça, ça dit ce que ça dit. L'engouement est là. Les acteurs de l'économie du pays d'aller ensemble ont senti que, tiens, en tant que microfinance, en tant que banque, tiens, il y a aussi pour moi de la place au sein des assurés. Ils sont venus, on leur a montré le cadre légal qu'il faut respecter, on les a agréés, et apparemment ça marche bien. Les lamentations, quel message? Le rôle de la digitalisation pour ces assurances, c'est vraiment pour nous ici où se trouvent les vraies solutions qui peuvent permettre de diminuer ces lamentations. Parce qu'il y a des lenteurs, cacher des informations, ainsi de suite. Tout ça, nous pensons qu'à travers le mode de digitalisation, on pourra tous être au courant, que ce soit ici à l'ARCA, l'interface assure, savoir exactement ce qui se fait chaque jour, compagnie par compagnie, produit d'assurance par produit d'assurance, et ainsi agir de manière plus efficace qu'on le fait aujourd'hui. Mais sinon, si ça reste comme ça, avec les seuls papiers, honnêtement parlant, on ne pourra pas faire grand-chose. Je pense qu'à travers l'innovation, à travers la digitalisation, à travers l'harmonisation des pratiques assurantielles, il y a moyen d'y venir à bout, un à un, pourvu qu'on continue à travailler en synergie. Poursuivant cette édition, des habitants de la zone urbaine de Wouterere affirment que certaines boissons alcoolisées vendues dans des bouteilles en plastique dites Bangala nuisent à leur santé. Certaines dames qui se sont entretenues avec la radio Isanganiro ce lundi témoignent que depuis que leurs conjoints ont commencé à prendre ces boissons, ils n'honorent plus leurs obligations familiales. Toutes demandent à ce que ces boissons soient retirées du marché. Suivez ce micro-baladeur. Certaines femmes n'ont pas la paix dans leur ménage à cause de ces boissons. Un homme peut quitter sa famille très tôt le matin et revenir tard le soir. Sa femme peut attendre, mais en vain, et peut sortir de la maison pour voir s'il est aux alentours et le retrouve au Ligala avec une des bouteilles en plastique. Chaque fois que mon mari a pris cette boisson, il se plaint des douleurs au niveau du ventre. En fait, ces hommes qui ont pris ces boissons ne font rien. Ils sont emportés par l'alcool. Lorsque je prends ces boissons, je perds connaissance. Et lorsque je le fais sans avoir rien mis sous la dent, je n'ai plus de force. J'ai aussi des sueurs, ainsi que des maux de ventre. Avant, lorsque mon mari prenait l'Amstel, il n'avait pas de problème. Maintenant, comme il fait le mélange de ces boissons, c'est pire. Ce que je demande, c'est qu'ils les enlèvent du marché. Ainsi, nous aurons la paix. Nous demandons qu'ils autorisent seulement la bière locale et d'autres bières que nous puissions consommer sans effet. Nous demandons au gouvernement d'enlever ces boissons au marché. Les gens sont en train d'opérer. On demande qu'ils retirent ces boissons définitivement. Et en province Kayanza, certains habitants disent avoir décrit un tequant au travail du Bureau burundais de normalisation BBN, un travail lié à l'autorisation de certaines unités fabriquant des boissons très alcoolisées vendues en plastique. Cela affectait la santé humaine, déplore-t-il. Le point avec Patrick Sengiyumv. Dans de petits bistrots et dans des boutiques alimentaires en province Kayanza, il se fait observer beaucoup de boissons alcoolisées fabriquées localement et qui sont beaucoup consommées par la population. Là, on peut citer par exemple celle qui s'appelle Kik, Safali Wain Akuk Inovu, Kosola Tangawizi pour ne citer que cela. Les habitants de la province Kayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont fait savoir que ces boissons alcoolisées sont nuisibles à la santé des consommateurs. Ils ont fait savoir que les consommateurs de ces boissons alcoolisées sont caractérisés beaucoup par une forte faiblesse. Les habitants à Kayanza s'inquiètent beaucoup que le Bureau burundais de la normalisation et du contrôle de la qualité, BBN en sigle, serait au courant des effets que ces boissons auront les jours à venir sur la santé des consommateurs. Il demande au gouvernement burundais de suivre de près la question de ces boissons alcoolisées pour le bien de la santé de la population qui consomme ces boissons. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 18h07 dans le studio de la radio Isanganiro. Parlons agriculture. Les agriculteurs propriétaires d'avocatiers de la province Muyinga se réjouissent de cette culture du fait qu'ils parviennent à subvenir aux besoins familiaux. Ils disent que la plupart des acheteurs exportent ces avocats vers la Tanzanie. Sur ce, Jean-Claude Barutwana, gouverneur de la province Muyinga, fait savoir que ces avocats vendus en Tanzanie génèrent des taxes communales comprises entre 1000 et 2000 francs burundais par sac vendu. Les détails avec Doreb Ingabire. Ces agriculteurs ayant des avocatiers sur la colline Kinadi en commune et province Muyinga se réjouissent de cette culture de fait qu'elle leur permet de subvenir à leurs besoins. Ils précisent que ce produit est souvent exporté vers la Tanzanie, mais des défis persistent, c'est notamment la cherté d'insecticides. Jean-Claude Baltwanayo, gouverneur de cette province, regrette que ces avocats exportés ne génèrent pas de devises pour le pays. Il précise néanmoins qu'ils génèrent des taxes communales qui varient de 1000 à 2000 francs selon la quantité exportée. L'avocat n'était pas considéré comme une culture qui peut être exportée. C'était une culture qu'on cultivait juste pour être mangé. Raison pour laquelle lorsque vous passiez au-dessus des avocatiers, c'était possible de trouver des avocats qui trimballent là-bas. Raison pour laquelle la production n'allait pas être consommée localement. Et pour pouvoir récupérer quand même de l'argent qu'ils ont utilisé, ils étaient obligés de pouvoir chercher à marcher et soit à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur du pays. C'est pour cette raison que donc pour le moment vous constatez qu'il y a des gens qui vendent les avocats en Tanzanie, à Ngala ou à Kabanga, juste pour pouvoir récupérer de l'argent qu'ils ont utilisé. Mais cette forme de commerce n'est pas organisée d'une façon coordonnée pour pouvoir amener des devises. Le gouverneur Baltwanayo fait savoir que l'administration est en train d'organiser ce commerce transfrontalier pour qu'il fasse rentrer des devises dans le pays. On est en train de s'organiser pour voir comment chercher les marchés d'écoulement à l'intérieur du pays et organiser donc cette forme de commerce afin de pouvoir générer des devises pour le pays. Mais avant de faire cela, il ne faudrait pas penser au marché d'écoulement sans qu'il y ait une production suffisante. Il faudrait tout d'abord inviter les gens à pouvoir produire et avoir de quoi exporter. Comme ça, là, ça pourrait peut-être une chaîne continuelle. Tu ne peux pas aller t'engager à l'extérieur du pays, dire que tu as des avocats à exporter, alors que tu es incapable de pouvoir exporter pendant tout un mois. Il aurait fallu qu'on ait la matière première à exporter, c'est-à-dire l'avocat. Et comme ça, là, on cherchera les marchés, les débouchés, les marchés à l'extérieur. Par conséquent, le commerce sera très bien organisé. Et on aura des devises comme nous avons nos devises qui proviennent du café ou bien du thé. Une campagne de sensibilisation des agriculteurs en vue d'adopter de nouvelles variétés d'avocats est en cours, ce qui va augmenter la production, ajoute-t-il. Parlons encore production et écoulement des avocats. Au Burundi, le ministère en charge de l'agriculture recommande aux agriculteurs qui voudraient exporter, en l'occurrence les avocats, utiliser des produits phytosanitaires autorisés afin d'avoir un code exportateur. Ça, ça a été dit vendredi dernier par le ministre en charge de l'agriculture dans une réunion d'échange avec les intervenants dans le secteur agricole. Le ministre Prosper de Dico a cependant rappelé que les anciens insecticides comme le DDT nocifs à la santé humaine ont été retirés du marché. Il nous parle de certaines exigences pour exporter les avocats. En ce qui est lutte contre certaines maladies, l'agriculteur doit utiliser des produits phytosanitaires qui sont sur la liste autorisée. Il y a des insecticides que les Européens ont retirés sur le marché. Je peux donner l'exemple du dichlorodiphényldichloréthane DDT. Celui-ci a été utilisé depuis belle lurette, mais par après, il a été constaté que ce produit était nocif à la santé humaine. Une fois mis dans le haricot, l'on a constaté qu'après lavage et cuisson, les résidus restaient dans la nourriture cuite et pouvaient faire mal à la santé humaine, surtout aux enfants qui consomment le lait maternel. Il y a d'autres produits qui sont en train d'être retirés sur le marché. C'est pourquoi nous aussi, nous allons procéder à cette campagne. Nous allons aussi nous enquérir de l'état des lieux des autres produits que l'on est en train d'envisager en Europe. Quand l'agriculteur constate une maladie dans sa plantation, il doit se confier aux moniteurs agricoles. Et lors de la production, l'agriculteur doit être assisté par un technicien chargé de contrôler la qualité pour avoir accès au marché de l'extérieur. Car ici chez nous, l'on peut même consommer un fruit d'avocat qui dure même 3 jours. Prosper de Dico, ministre burundais de l'agriculture. Il était traduit en français par Évariste Nzikoba Nyanga. Parlons infrastructure à présent. Certains habitants de la zone urbaine de Buterere, en commune Ntahangwa, utilisant la route appelée Kugamustaneri dans ce quartier, une route qualifiée de principale vu le trafic vers les marchés chez Sion et Kotebu, disent éprouver des difficultés de déplacement pleines de nids de poules et de sable. Ces habitants et usagers demandent aux autorités de réhabiliter ce tronçon. Un reportage signé Jean-Marie Mayong. Les transporteurs sur vélo et moto qui utilisent cette infrastructure se plaignent d'un mauvais état de cette route appelée Gamustaneri du quartier de Buterere. Ils signalent que cette route est pleine d'eau, nid de poules et des fois, quand il a plu, des eaux stagnantes bloquent la circulation et perturbent leurs activités. Ils disent que cette route est utilisée par plusieurs personnes qui se rendent au marché City Market et Kotebu sans perdre du temps. C'est plein de nids de poules, de sable. Nous arrivons au City Market trop fatigués. Ce nid de poules et de boue se servent quand il a plu. Nos clients se lamentent beaucoup quand nous déplaçons parce que les prix de tickets si une moto dépasse ceux du vélo, car il prend une moto parce qu'il n'a pas trouvé un vélo et on taxe beaucoup sur les motos à cause de l'état de cette route. À cause de ces nids de poules et de boue, nous souffrons beaucoup car nous travaillons. Quand il pleut, les eaux stagnantes bloquent la route. Même si tu travailles, tu utilises trop de force et tu ne gagnes rien. Cette route nous fait de parce qu'elle n'est pas réhabilitée. Les pièces s'abîment et tu passes tout le temps au réparateur. Un des passagers vivant avec handicap précise que ce n'est pas facile de se déplacer sur vélo ou sur une moto car il arrive où il se rend étant trop fatigué à cause de ses courses sur ses engins. Tu arrives là où tu vas, trop fatigué. Comme moi qui ai un problème de jambes, j'arrive à en trouver. Mon handicap s'est multiplié. Pas moi seul, quelqu'un qui a un bagage, souvent il tombe par terre. Tout se demande aux autorités de voir comment réhabiliter cette route qui est d'une grande importance. Nous demandons que cette route soit réhabilitée, car c'est une route qui relie deux quartiers, Otelele et quartier 10, jusqu'au City Market. Vraiment, une fois réhabilitée, elle facilite le mouvement des commerçants qui se rendent au marché City Market et ça aidera tout le monde. L'autorité zonale précise qu'il y avait un programme de pavage, mais qui n'a pas été exécuté. Serge Ategekimana, chef de zone Buterere, demande à ses supérieurs de leur venir en aide pour que cette route qui relie la zone Buterere et zone Ngagara soit réhabilitée. Pour clore cette édition, la famille d'un homme tué accusé de vol sur la colline Kiremba en commune et province Bururi, cela fait un mois, se plaint de la lenteur dans le traitement du dossier des présumés auteurs de ce crime, car certains parmi eux ne sont pas encore arrêtés alors que le dossier, disent-ils, devrait être traité. Parmi les dossiers de flagrance au niveau du parquet de Bururi, l'on fait savoir que 5 personnes ont été déjà arrêtées dans ce dossier, que les enquêtes sont en cours à ce parquet. Le point avec Zenon Zambiman. Certains des membres de la famille de feu Ntiranyibegira Désiré, connus sous le sobriquet de Peggy, originaire de la localité de Gwanghona sur la colline Kiremba en commune et province de Bururi, grognent que le dossier de ceux qui l'ont assassiné il y a un mois n'a pas été traité parmi les dossiers de flagrance. Ils se plaignent également que certains parmi les présumés auteurs de cet assassinat ne sont pas encore arrêtés. À ce sujet, le premier substitut du procureur au parquet de Bururi indique que ce dossier est en cours au parquet de Bururi. Dieudonné Nkunzimana confirme que 5 personnes ont été déjà arrêtées et sont emprisonnées au cachot du commissariat provincial de la police à Bururi pour réseau d'enquête. Et d'autres personnes peuvent être interpellées d'un moment à l'autre en cas de besoin. Au moment où le corps de la victime qui vient de passer un mois à la morgue de l'hôpital de Kiremba sera enterré ce mardi, la famille de la victime dit qu'elle avait exigé que les frais funéraires soient supportés par les présumés auteurs de cet assassinat. Mais Félix Niongabo, l'administrateur de la commune de Bururi, a finalement ordonné à la famille de la victime d'organiser elle-même son enterrement. Et les présumés auteurs seront poursuivis car la justice populaire qu'ils ont commise est punie par la loi. Rappelons que Ntiranyibegira Désiré, alias Peggy, a été tué et tabassé, accusé d'avoir volé les haricots par ses voisins dans la localité de Gwanghona, sur la colline Kiremba, en commune et province de Bururi. Mais les membres de sa famille rejettent ces accusations en disant qu'il a été tué plus tôt suite au conflit foncier dans sa famille et demande à la justice de faire son travail. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également Alphonse Kugimana qui a assuré la mise en onde. Au revoir.